J'en sers plus, pas le tête. Ne dis rien qui ne soit faux. Mais la meilleure enfin ne vaut pas, vous-même l'avouerez, mes amis, le pire de nous ici-bas. N'importe ces gens-là. Ils tirent de leurs affaires, de leur grâce et de leur charme, quand ils n'en ont pas. Hein. On les voit toujours sous les arts, n'ayant au monde qu'un souci, jeter le trouble dans nos arts et nous tenir à leur merci. N'importe ces gens-là. Lorsque nous leur faisons la cour pour le bon motif ou pour l'autre, elles jurent que leur amour durera non moins que le nôtre. Mais hélas, leur cœur est vivant comme sont vivantes les lames. Au large soulève le vent, n'importe ce gentil taille. Elles promettent ce qu'on veut, seront toutes tendres, soumises, obéiront au moindre jeu, enfin des compagnes exquises. Mais basse, au bout de 15 jours, ce ne sont plus les mêmes dames et non plus les mêmes discours, n'importe ce gentil taille. Dernier suprême serment, jamais chez nous dans nos affaires, nous devions un seul moment voir le nez de nos belles-mères. Après lui-même qui notre joie, bravant sourd, reproche, blâme, ces mégères nous font la loi, n'importe ce gentil les âmes. De leurs travers à l'infini, je pourrais allonger la liste, mais jamais je n'aurais fini. Inutile, je préfère ici m'arrêter, et passant aux petits à l'âme, sur tous les tons vous répéter, n'importe ce gentil. Oui, c'est gentil, c'est tout si bas, c'est qu'il est de meilleur encore, c'est ce dont on n'est jamais là. Et c'est que tu verras encore, que toi tu démons, viens du ciel, viens de l'âme, et mon esprit de canon, n'importe ce gentil. Si gentil que dans ce moment j'enrage et je me désespère, d'avoir de ce sexe de façon si légère, mangez-vous du prêtre à l'instant, ne l'applaudissez pas, mesdames, il y aura quand même un partant, n'importe ce gentil.